lo ha bohloko le fu a lu ka moyeng le tsiu ya lona a tswela thokonyana a wa ka bangwe le patsi a rapela dikgororo tsa hae e ne ka diphopi tsa madi ntate ga o no go ya ka nna senwelo sena se ne se tla feta gole le nna empa thato ga e phetagale ya mangolo e ileng ya bolelwa ntate ba tshwarele gobane ga ba tsebe seo ba seetse. Chandazo yetu, uyizwa zonke yetu.